cacher sous ton soleil pour partager ton ciel. Pour nous semble maudit, ton charme et ta complicité ont fait de moi un amoureux. Donne-moi des sensations d'amour, d'émotion. Je veux encore t'enlacer, encore t'embrasser. Ton soleil.